Ainsi, la Nouvelle-Zélande demanda Glenarvan. Écoutez, jugez, répondit Paganel. Ce n'est pas sans raison, ou plutôt, ce n'est pas sans une raison, que je commis l'erreur qui nous a sauvés. Au moment où j'écrivais cette lettre, sous la dictée de Glenarvan, le mot Zélande me travaillait le cerveau. Voici pourquoi. Vous vous rappelez que nous étions dans le chariot. McNabb venait d'apprendre à Lady Helena l'histoire des convicts. Il lui avait remis le numéro de l'Australian and New Zealand Gazette qui relatait la catastrophe de Camden Bridge. Or, au moment où j'écrivais, le journal gisait à terre, et plié de telle façon que deux syllabes de son titre apparaissaient seulement. Ces deux syllabes étaient « Elan ». Quelle illumination se fit dans mon esprit! « Elan » était précisément un mot du document anglais, un mot que nous avions traduit jusqu'alors par « à terre » et qui devait être la terminaison du nom propre « Zélan ».« Hein !» fit Glenarvan. « Mon cher Lord, dit Paganel, je vais vous traduire le document suivant ma troisième interprétation et vous jugerez. Je ne vous fais que deux observations. Premièrement, oubliez autant que possible les interprétations précédentes. Deuxièmement, certains passages vous paraîtront forcés. Mais c'est le document français qui sert de base à mon interprétation. Et n'oubliez pas qu'il a été écrit par un Anglais. Ceci posé, je commence. Ouvrez les guillemets. Le 27 juin 1862. Le Trauma Britannia de Glasgow a sombré après une longue agonie dans les mers australes, sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, en anglais Zealand. Deux matelots du capitaine Grant ont pu y aborder. Là, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce document par, point de suspension, de longitude et 37°11' de latitude. Venez à leur secours ou ils sont perdus. Paganel s'arrêta. Son interprétation était admissible, mais elle pouvait être aussi fausse. Cependant, les chances étaient en faveur de la Nouvelle-Zélande. Cette remarque, faite par Paganel, frappa surtout ses amis. « Maintenant, Paganel, dit Glenarvan, me direz-vous pourquoi, depuis 2 mois environ, vous avez tenu cette interprétation secrète ?»« Parce que je ne voulais pas vous donner encore de vaines espérances. »« D'ailleurs, nous allions à Auckland, précisément au point indiqué par la latitude du document. »« Mais depuis lors, quand nous avons été entraînés lors de cette route, pourquoi n'avoir pas parlé ?»« C'est que... c'est juste que cette interprétation, elle ne peut contribuer au salut du capitaine. Pour quelle raison, Paganel? Parce que l'hypothèse est admise que le capitaine Harry Grant s'est échoué à Nouvelle-Zélande. Du moment que 2 ans se sont passés sans qu'il ait reparu, c'est qu'il a été victime du naufrage, ou des Zélandais. Ainsi, votre opinion est, demanda Glenarvan, que l'on pourrait peut-être retrouver quelques vestiges du naufrage, mais que le naufragé des Britannia sont irrévocablement perdus. Silence sur tout ceci, mes amis, dit Glenarvan, et laissez-moi choisir le moment où j'apprendrai cette triste nouvelle aux enfants du capitaine Grant.